À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, Chung Il-sim, femme du héros de la République, Han Dong-soo, a déposé une corbeille de fleurs et s'est inclinée le 26 devant les statues en bronze des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu.